étions deux. Le temps était clair, le monde était beau, nous étions heureux. Il y avait des printemps même en plein hiver au fond de tes yeux. Au creux de ton lit, le ciel était bleu. Hier c'était l'espoir. Il y avait du vin blanc qui coulait à flots sur tous les comptoirs. Il y avait des amis aussi fous que nous qui venaient nous voir pour partager tout. Le pain blanc ou noir. Mais c'était hier, je me rappelle, c'était hier. Tu étais belle et moi j'étais jeune, peut-être un peu sot, je me croyais. Le temps s'est couvert, je plisse les yeux quand lui le soleil et j'ai froid l'hiver. Je bois un peu moins, je parle un peu plus sans en avoir l'air. Et lorsque je dors, je rêve de toi.